Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 22. Du sacerdoce du Christ. Le Christ est prêtre et victime, et fait de son sacerdoce pour l'expiation de nos péchés. Perpétuité de ce sacerdoce, qui est selon l'ordre de Melchisédek. 1. Convenait-il au Christ d'être prêtre? Nous avons un pontife qui a pénétré dans les cieux, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Hébreux 4, 14. Établi médiateur entre Dieu et les hommes, le prêtre a pour office propre de nous transmettre les bienfaits divins, d'offrir à Dieu nos prières, et, sous certains rapports, de satisfaire pour nos péchés. Tout pontife, disait saint Paul, établi pour les hommes dans le culte de Dieu, doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Hébreux 5, 1. Or ce double caractère convenait éminemment au Christ, par lui, Dieu nous accorde les dons les plus précieux, selon l'expression du prince des apôtres, nous devenons participants de la nature divine. 2. Pierre 1, 4. Il a réconcilié le genre humain avec Dieu, comme le marquent ses autres paroles de saint Paul, il a plu au Père de mettre en lui toute plénitude, et de réconcilier toutes choses par sa médiation. Colossiens 1, 19. Il est évident par là qu'il lui convenait excellemment d'être prêtre. 2. Le Christ a-t-il été tout à la fois prêtre et victime? Le Christ nous a aimés, et il s'est livré lui-même pour nous en s'offrant à Dieu comme une victime de suave odeur. Éphésiens 5, 2. Le Christ, en tant qu'homme, fut effectivement une victime qui s'offrit en sacrifice pour nos iniquités, Romains 4, 25, et qui est devenu, pour tous ceux qui lui sont unis, une cause de salut éternel, Hébreux 5, 9. Puisque nous pénétrons avec confiance par son sang dans le Saint des Saints, Hébreux 10, 19, c'est-à-dire dans la gloire du ciel. Il a donc été non seulement prêtre, mais encore victime pour le péché, hostie pacifique et holocauste. Note. Son immolation, considérée dans la volonté de ceux qui le mettaient à mort, était un crime, et non sacrifice offert à Dieu. Mais, mise en regard de sa propre volonté, elle était un véritable sacrifice, et c'est sous ce rapport qu'il doit être considéré comme une hostie. Il a été offert, disait Isaïe 53, 7, parce qu'il l'a voulu. 3. Le sacerdoce du Christ a-t-il eu pour effet d'expier les péchés? Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux 9, 14, le sang du Christ, qui s'est lui-même offert à Dieu par l'Esprit Saint comme une victime sans tache, purifiera notre conscience des œuvres de la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Les œuvres de la mort sont les péchés. Le sacerdoce du Christ a conséquemment la vertu d'effacer les péchés. S'il y a deux choses dans le péché, à savoir, la tâche et la peine, deux choses aussi sont nécessaires pour les effacer, la grâce, qui détruit la tâche en ramenant le cœur de l'homme vers Dieu, et la satisfaction, par laquelle la dette du châtiment nous est définitivement remise. Le sacerdoce du Christ produit ces deux effets. D'abord, il nous donne la grâce qui ramène nos cœurs à Dieu. Selon cette parole de l'apôtre, nous avons été justifiés gratuitement par la grâce de la rédemption du Christ, que Dieu a destinée pour être une victime de propitiation. Romains 3, 24. Ensuite, quand le Christ a pris sur lui toutes nos iniquités et nos douleurs, il a offert pour nos péchés une satisfaction pleine et entière. Il suit de là que son sacerdoce a la vertu d'expier les péchés. Note. Le sacrifice quotidien de l'ancienne loi consistait dans l'oblation d'un agneau, laquelle annonçait que l'oblation du véritable agneau serait la consommation de tous les sacrifices. C'est pourquoi Saint Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu, celui qui efface les péchés du monde. » Jean 1, 29. Fin de la note. 4. Le sacerdoce du Christ a-t-il servi non seulement aux autres, mais encore à lui-même? Si quelqu'un dit que le Christ a offert son sacrifice pour lui-même et non pas uniquement pour nous, qu'il soit anathème, de ce canon du Concile d'Éphèse il faut inférer que le sacerdoce du Christ n'a eu aucun effet pour lui-même. Celui-là a besoin d'un médiateur qui ne saurait par lui-même s'approcher de Dieu, or c'est ce qui ne peut se dire du Christ, qui, selon l'apôtre, toujours vivant, afin d'intercéder pour nous, a par lui-même accès auprès de Dieu. Hébreux 7, 25. Le soleil qui nous illumine n'est pas illuminé, le feu qui nous chauffe ne reçoit pas la chaleur, tel le Christ communique les effets de son sacerdoce à tous les hommes sans rien recevoir pour lui-même. Note. Les autres prêtres participent aux effets de leur propre sacerdoce, comme pécheurs, mais non pas comme prêtres. Le Christ n'avait aucun péché personnel à expier. S'il a obtenu la gloire de la résurrection par les tourments de sa passion, ce n'est pas précisément en vertu du sacrifice satisfactoire qu'il a offert à Dieu, c'est à cause de sa charité et de son humilité. Fin de la note. 5. Le sacerdoce du Christ demeure-t-il à jamais? On connaît ce mot du psalmiste, « Vous êtes prêtre pour l'éternité » Psaume 109, 4. L'office du prêtre comprend deux choses, l'oblation du sacrifice, et la consommation de ce sacrifice, laquelle consiste en ce que la fin en soit obtenue par ceux pour qui il est offert. La fin du sacrifice offert par notre Seigneur consistant dans la possession, non pas des biens temporels, mais des biens éternels qu'il nous a mérités par sa mort, son sacerdoce est appelé avec raison un sacerdoce éternel. Note. Les saints admis dans la gloire éternelle auront toujours besoin d'y être consommés par le Christ lui-même, dont leur félicité dépend. Tel est le sens de ces paroles, la gloire de Dieu illumine la cité des saints, et l'agneau en est le flambeau. Apocalypse 21, 23. Fin de la note. 6. Le sacerdoce du Christ a-t-il été selon l'ordre de Melchisédek? David a chanté, vous êtes prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Psaume 109, 4. Le sacerdoce légal n'était qu'une figure très imparfaite du sacerdoce de Jésus-Christ, dont la supériorité fut préfigurée dans celui de Melchisédek, qui, en recevant la dîme des mains d'Abraham, décimait en quelque sorte le sacerdoce lévitique lui-même dans la personne de ce patriarche, dont Lévi devait descendre. Pour ce motif, le Christ est appelé prêtre selon l'ordre de Melchisédek, dénomination qui fait ressortir l'excellence de son sacerdoce, mise en regard du sacerdoce lévitique. Note. Melchisédek offrait le pain et le vin en figure tout à la fois de l'unité de l'Église et du vrai sacrifice du Christ qui nous est appliqué, même dans la loi nouvelle. Sous les espèces du pain et du vin. L'Écriture ne mentionne ni le père de ce pontife, ni sa mère, ni sa généalogie, afin qu'il fût une figure plus ressemblante du Fils de Dieu, qui a été sans père sur la terre, sans mère et sans généalogie dans le ciel, et qui n'a ni commencement ni fin, comme Dieu. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.